Le baiser touchant le poète. Je suis le baiser, embrume lacrymale, le baiser touchant le poète. J'aime aux heures idéales où l'amour câline la beauté de l'air. Je suis le baiser qui a ancien, suave, mélancolique, sexué et secret. D'un chant disparu, de murmures corporels, je suis le passager sur le chemin du guet. Pourrais-je tuer l'artiste à embrasser la flamme? Dans ses outrages, le caprice lointain que chante le rivage et qui d'un beau langage fait le charme certain, fait le charme certain. Thank you.